Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 6 septembre 2019. Voici le seul grand titre pour cette édition spéciale que la rédaction consacre à l'état du tourisme au Burundi. Nous vous proposons des reportages descriptifs de certains sites touristiques à travers le pays. Des opérateurs économiques œuvrant dans ce secteur nous ont également livré leurs témoignages. Et dans ce journal, nous vous montrerons aussi que le tourisme fait très peu de rentrées dans le trésor public comparativement aux pays de la communauté est-africaine. Nous terminerons cette édition par le commentaire de la rédaction. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, comme je l'annonçais, on fait d'abord le topo, comme je le promettais, en commençant par Kirundo. La population de la commune Kirundo demande que les sites historiques de cette province soient protégés. Ces sites sont gratuitement fréquentés par des gens, regrette Jeannette Kangoro, administrateur de la commune Kirundo, qui affirme que c'est un manque à gagner pour la commune. Agnès Naumagazé. Le lac Guihinda, surnommé lac aux oiseaux, est l'un des sites touristiques qui a marqué l'histoire de la province Kirundo. Ce site touristique accueille beaucoup de touristes nationaux et internationaux. La population qui habite proche de ce site dit que les gens ne viennent plus massivement visiter cet endroit et que ceux qui y fréquentent ne paient rien, ils y fréquentent gratuitement. Cette population demande que ces endroits soient protégés pour que les jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de ce site puissent y apprendre beaucoup sur l'histoire de la province Kirundo. L'administrateur de la province Kirundo, Jeannette Kangoro, affirme aussi que c'est un manque à gagner pour la commune, mais elle demande aux habitants de Kirundo de se soucier des travaux de traçage des routes sur ce site avant que la commune n'entreprenne d'y exécuter des projets. À côté de ce site Lac aux oiseaux, la province Kirundo a d'autres sites, notamment les montagnes Windora, Shinge et Rugero, là où l'armée rwandaise avait connu des défaites dans la bataille qui les opposait à l'armée burundaise. Aujourd'hui se trouve un hôtel surnommé Shinge et Rugero. De Kirundo, Agnès Naumagazé pour la radio Isanganiro. Merci Agnès. C'est dans la province de Gitega, 80% des visiteurs du musée national sont des jeunes. Au moment où au sanctuaire des tambours de Gishora, les visiteurs ont sensiblement diminué contrairement aux années antérieures. C'est le constat fait par les responsables des deux endroits. Malgré ce constat, la commune Makibuko de la province Gitega vient de réhabiliter le site de tambourinaire de la colline Erguesero avec le budget que l'État alloue aux communes, en espérant que l'affluence des touristes sera grande à ce site. Arthur Kavabushi. Mais la province de Gitega possède certains lieux qui sont beaucoup plus visités, comme l'arbre du centre du pays qui s'est récemment écroulé, le musée national de Gitega, le site des tambourinaires de Gishora, Higiro, et celui nouvellement réhabilité de Gwesero en commune de Makebuko. Pascal Naisenga, responsable du musée de Gitega, où il y a des anciens objets, les photos, les habits anciens et autres objets, dit que plus de 80% des visiteurs sont constitués par les élèves. Ce responsable indique qu'il y a eu jusqu'ici 1800 visiteurs au moment où l'année passée, ils n'ont eu que 1630, d'où 200 de plus avant la fin de l'année. Oscar Nshimirimana du site des tambourinaires de Gishora, où il y a des tambours ainsi que la cour royale, indique que les touristes ont sensiblement diminué contrairement aux années antérieures. Il souligne qu'avant, ils venaient deux fois la semaine ou quatre fois le mois, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Cependant, Alexis Manirakiza, administrateur de la commune Giheta, où il y a le site des tambourinaires de Gishora, dit qu'ils vont réorganiser ce site afin que ça puisse apporter un gain dans les caisses de la commune qui jusqu'ici ne recevait rien de la part de ce site. Excepté les communes Gitega et Giheta où il y a des sites plus visités, la commune Makebuko a récemment réhabilité le site des tambourinaires se trouvant sur la colline Gwesero via le budget que le gouvernement alloue aux communes en espérant que ça va contribuer au développement de cette commune à travers l'argent des touristes. Cyprien Nibitegeka dit également qu'ils vont bien aménager le site de Simba, zone Maranja, commune Makebuko, qui est beaucoup plus visité et où il y a des arbres de la famille des Pinus. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Dogitega, rendons-nous à Rutana, où les chutes de Karera, situées en commune Moussongati, constituent un site touristique qui nécessite beaucoup d'entretien, dont une route bitumée pour y accéder, d'après le responsable des monuments naturels de l'Est du pays. De son côté, le conseiller technique de l'administrateur de cette commune, chargé du développement, regrette que la commune ne gagne rien de ce site. Gérard Nibigira y a été pour nous. Le chute de Kalera se trouve en commune Msongati, province Rutana, à environ 10 km du chef-lieu communal. Il s'agit de 4 chutes de taille différente, la plus haute ayant 40 mètres de hauteur, la moins haute ayant 5 mètres de hauteur, comme l'indique le responsable des monuments naturels de l'Est. Désiré Manirakiza dit que suite aux perturbations de 2015, le nombre de visiteurs a chuté pour se rehausser par après. Avant 2015, nous avons reçu beaucoup plus des étrangers, non les résidents et résidents. Mais avec le problème qui a secoué notre pays, les étrangers ont beaucoup diminué. Pour le moment, nous recevons beaucoup plus des étudiants qui font des excursions, des élèves qui font le voyage d'études et d'autres qui viennent pour la récréation. Il précise que le nombre de visiteurs et les recettes du site sont secrets. Pour trouver le nombre de statistiques sur le tourisme, il faut une autorisation spéciale. Sans autorisation, ça reste caché. Il ajoute que le site nécessite pas mal de choses dont une route bitumée. La route qui mène jusqu'à ces chutes, c'est une route qui est en mauvais état. Si possible d'avoir une route macadamisée, ça sera bien. Ils font des garde-fous parce que l'état des lieux n'est pas tellement bon. Les paillotes pour le repos. De son côté, le conseiller technique de l'administrateur de la commune Msongati, chargé du développement Nyangirus Artemo Alexis, déclare que la commune ne profite à rien de ce site. Il n'y a aucune part de recettes qui entre dans la caisse communale pour aider dans les quelques travaux de développement. Mais comme c'était convenu dans les écrits, on avait préconisé que le BPE doit payer au moins 30% des recettes perçues annuellement sur le site. Jusqu'à présent, aucune recette n'entre dans la commune. Nous implorons les autorités supérieures pour qu'ils puissent vraiment voir comment céder au moins les 30%. Dans les enceintes des chutes de Karera se trouve aussi la grotte de Kiranga où les Burundais venaient prier leur Dieu pour qu'il leur donne des naissances, la prospérité, la guérison des maladies et d'autres. Et même maintenant, certains Burundais s'y rendent toujours. Depuis Rutana, Jeanne Huguila pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et l'affluence des visiteurs au parc de la Ruvubu reste faible malgré la richesse en biodiversité trouvée dans cette aire protégée. Des gardes-parcs précisent que des efforts d'amélioration des services et infrastructures sont à déployer pour que la zone soit plus attractive. De Muyinga, nous appelons notre correspondant Dieudonné Zeyman. À l'entrée de la réserve de la Ruvubu, des gardes-parcs sont toujours prêts pour guider d'éventuels visiteurs dans cette savane herbeuse. Sabi Tiverouzi, responsable des parcs côté province Muyinga, présente ici l'essentiel des êtres vivants. Mais en général, si on donne les richesses de ce parc, il y a 44 espèces de mammifères, 412 espèces d'oiseaux et 14 espèces de poissons. L'affluence des visiteurs n'est pas encore satisfaisante. Oui, on parvient à trouver des visiteurs, mais ces visiteurs ne sont pas en grand nombre. Ils viennent à compte-gouttes, mais ce n'est pas fameux. Pour des employés dans ce parc, l'amélioration des services et voies de transport, le système d'hébergement et le repeuplement avec de nouvelles espèces attireraient plus de touristes vers ce plus grand écosystème du pays. Avec une superficie de plus de 50 000 hectares, la visite guidée est gratuite pour les moins de 15 ans de la réserve de la Ruvubu, Dieudonné Zeimana, Radio Isanganiro. Du nord, on passe maintenant au sud du pays où nous retrouvons notre correspondant Jean-Pierre Misago qui nous rapporte que les sites touristiques sont une des sources de revenus pour la commune qui les abrite. D'après Ferdinand Nyokindi, conseiller technique au développement de la commune Rumonge, il dit cela en prenant pour référence le site touristique de Mugara dans cette même commune. Il regrette cependant la non-affluence. Des touristes expatriés qui pourraient relever les recettes par leur devise. Jean-Pierre Misako. Les eaux thermales de Mugara, l'un des sites touristiques que compte la commune Rumonge, est la principale source de recettes communale de Rumonge. Il fait en effet entrer à la commune jusqu'à 1 500 000 francs burundais par mois. Après son réaménagement, comme le dit Ferdinand Nyokindi, conseiller technique au développement de l'administrateur communal de Rumonge. Avant cet aménagement, c'est un site qui donnait plus ou moins 300 000 par mois. Mais essayons de voir l'évolution de ces recettes. On voit que ça se multiplie par 4. Maintenant, nous arrivons à 1 200 000, 1 500 par mois. Donc, vous entendez bien qu'au cours de l'année, ce sont des recettes très importantes qui peuvent contribuer pour surtout les activités d'investissement. Mais selon cet administratif, ces recettes pourraient dépasser de loin cette valeur si ce site était fréquenté par des touristes expatriés faisant entrer des devises. Pour Leonidas Sinzigima, représentant légal de l'association Conservation et Communauté de Changement, le secteur du tourisme burundais fait face à de nombreux problèmes, lesquels problèmes empêchent la venue de ces touristes expatriés. À titre illustratif, à part que les grands mammifères qui attirent le plus de touristes expatriés sont en voie de disparition au Burundi, mais là où ils existent encore, les préparatifs d'accueil ne sont pas au rendez-vous. Les touristes expatriés sont des gens qui sont très exigeants. Il y a le minimum qui doit être là. Je donne un petit exemple. Quand un visiteur arrive, visite votre aire protégée, quand il arrive, la première chose qu'il demande, c'est un lieu d'aisance. Il existe plusieurs aires protégées dans notre pays qui n'ont pas de lieu d'aisance. Et là, c'est vraiment un grand problème. C'est même une honte quand vous ne pouvez pas montrer à un visiteur ce genre de lieu. Et pourtant, Dinzigima, ce secteur, une fois développé, pourrait diminuer sensiblement le taux de chômage au Burundi. À côté de ces eaux thermales de Mugara, un bon aménagement d'autres sites touristiques comme le bord du lac Tanganyika pour sa richesse en hippopotame, la réserve naturelle forestière de Kigwena pour ses babouins et singes, et la réserve naturelle forestière de Vianda pour ses chimpanzés pourrait également générer d'importants revenus à la commune Rumonge. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Voilà donc pour ce qui est de la situation de certains sites touristiques à travers le pays. Je l'avais annoncé dans le grand titre, on fait une comparaison avec les pays de la communauté est-africaine et c'est la Tanzanie qui enregistre le plus de revenus découlant de ce secteur où elle a dépassé 2 milliards de dollars en 2017. Le Burundi n'a quant à lui enregistré dans la même année que 16 millions de dollars. Aubin Niyongoro nous brosse cette situation dans tout le pays de l'EAC. Au Burundi, ce secteur a rapporté 16 millions de dollars en 2017 selon l'Office burundais du tourisme. En 2016, les recettes touristiques avaient atteint plus ou moins 16 millions de dollars selon le ministère en charge du tourisme d'alors. Au Rwanda, le tourisme a généré 438 millions de dollars toujours en 2017 selon les chiffres fournis par le Conseil du développement du Rwanda RDB. Le Kenya a quant à lui enregistré un revenu de plus de 1,4 milliards de dollars dans la même année. Les revenus annuels de ce secteur sont 2,5 milliards de dollars pour l'Ouganda, alors que les estimations évoquent le double de ce chiffre d'ici 2020 selon le journal Xuanet.com. Dans la communauté East africaine, la Tanzanie est le pays qui enregistre le plus de revenus générés par le tourisme. En 2017, ses revenus s'élevaient à plus de 2 milliards 200 millions de dollars. Sur toute l'Afrique, l'Organisation mondiale du tourisme place le Maroc à la tête des pays les plus visités en Afrique, avec un revenu de plus ou moins 6 milliards d'euros par an. Parmi les pays les moins visités en Afrique figurent la Somalie et le Sud-Soudan. Merci Aubin Niyongoro. Un autre site très touristique, c'est naturellement le lac Tanganyika. Et parmi les sites touristiques de Bujumbura, la rédaction Isanganiro a maintes fois cherché à visiter le musée vivant de la capitale Bujumbura pour s'enquérir de sa situation. Le responsable nous a signifié qu'il faut d'abord une autorisation du ministère de tutelle, qui est le ministre des Sports et de la Culture. De son côté, le ministère n'a ménagé aucun effort pour nous chercher cette autorisation auprès du responsable du musée vivant, qui, à notre surprise, a dit à notre interlocuteur du ministère et à la dernière minute qu'il n'était pas disponible puisqu'il prépare un voyage à l'étranger. savez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Le secteur du tourisme au Burundi n'est pas bien développé comparativement aux autres pays de la sous-région. C'est du moins le constat de Kamenti Burundi, une association qui opère dans ce secteur. La douce Kamugeni, chargée du marketing et de la communication au sein de cette association, explique que l'une des preuves est l'effectif moins élevé des touristes qui visitent le pays. Elle interpelle l'État et d'autres associations qui œuvrent dans ce secteur à collaborer afin de développer le tourisme. Suivez-la au micro de Marie-Claire Cazenez. Généralement, au temps actuel, c'est pas si développé comparé aux autres pays de la sous-région. Donc, on est encore en arrière avec nos services qu'on offre ou avec des places à visiter, les sites touristiques ou avec autre chose. Donc, sur quoi je me base? Quelques places touristiques ne sont pas bien aménagées. Ils n'ont pas de pièces complètes, si je peux dire, comme les toilettes, des restaurants ou d'autres choses qui peuvent accommoder ou qui peuvent bien aider les étrangers qui sont là ou les touristes. Donc, je dirais, ce qu'on a besoin, c'est beaucoup plus les gens qui viennent au Burundi, les touristes, mais aussi l'aménagement de quelques sites touristiques. Quelle est votre contribution, bien sûr, dans le développement de ce secteur? Notre contribution est beaucoup plus mobiliser et les Burundais et les étrangers qui vivent à l'étranger ou au Burundi, d'aimer le tourisme, d'aimer leur pays, numéro un. Cela aussi inclut le tourisme au Burundi. On incite les gens à venir, on leur dit que le Burundi est très bien, on a la sécurité, on a tout ce qu'il faut pour la visite, on les aide avec les documents nécessaires pour venir au Burundi. On essaie d'être souple. Qu'est-ce que vous proposez comme solution afin de développer ce secteur? Comme solution, ce qu'on peut faire, c'est bel et bien mobiliser tour opérateurs qui sont dans le tourisme, mais aussi travailler avec le gouvernement ou travailler avec quelques départements chargés de tourisme pour bien voir ensemble comment d'autres pays ont fait. Et je suis très convaincue qu'ensemble, avec le gouvernement, mais aussi avec des privés qui opèrent dans le tourisme, on peut être à mesure de bien développer le secteur. La douce Kamugeni, chargée du marketing et de la communication au sein de l'association Kamensi Burundi. Et l'agence burundaise pour la promotion des investissements API a besoin des investisseurs qui pourraient construire des hôtels en centre de conférence répondant aux normes internationales afin de produire significativement des dividendes dans de ce secteur. Et cela est dit par le directeur général de cette agence, Leonard Senore, qui affirme que le secteur touristique est convoité par beaucoup d'investisseurs. Pour lui, l'État devrait accorder des facilités dans l'octroi des visas aux touristes étrangers pour développer ce secteur. On l'écoute. Le secteur de l'hôtellerie et tourisme a toujours été une priorité du gouvernement. D'après le nombre d'hôtels qui ont été construits depuis pratiquement 2013, il y a beaucoup de projets hôteliers qui ont été construits sous l'encadrement et l'appui de l'agence de promotion des investissements. Et même ces trois dernières années, on a eu des projets qui ont été certifiés et appuyés par l'agence de promotion des investissements. Par exemple, en 2016, nous avons eu quatre projets de construction d'hôtels. En 2017, trois projets, en 2018 des projets d'ailleurs qui sont orientés vers l'intérieur du pays, ce qui est aussi une bonne chose. Donc nous constatons que effectivement les investisseurs continuent à s'intéresser à ce secteur, mais en réalité à l'heure actuelle nous voulons des projets qui répondent aux normes internationales, des hôtels haut standing, des infrastructures haut standing comme les centres de conférence internationales qui puissent effectivement drainer les touristes qui viennent dans des réunions et que nous pourrions organiser si nous avions effectivement des centres de conférence qui répondent aux normes internationales. C'est un secteur qui est vraiment convoité. Et donc, nous essayons en fait nous-mêmes de canaliser les investisseurs en fonction des besoins pertinents, des besoins primordiaux pour le pays. Des infrastructures de transport et de présence sur le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika est sous-exploité. Et donc, le secteur reste une priorité. Le secteur touristique, de manière générale, reste un secteur qui a du grand potentiel de développement au Burundi. Nous avons des sites touristiques intéressants. Nous avons le lac Tanganyika. L'appel que nous lançons aux investisseurs, c'est vraiment de venir investir dans ce secteur, de s'adresser à l'API comme portail d'entrée de tout investisseur. Mais bien évidemment, il y a des choses qui doivent être faites du côté burundais pour pouvoir attirer ces touristes. Il y a l'aménagement des sites touristiques, mais il y a également la facilitation dans l'octroi des visas, parce que d'autres pays, en fait, ils essaient de rendre plus facile l'accès aux visas. Et donc, je pense que le Burundi doit également avancer dans le même sens. Léonard Senore, directeur général de l'Agence burundaise pour la promotion des investissements API. Un autre officiel contacté par la rédaction, c'est l'Office burundais du tourisme. L'on dit que ce secteur connaît une avancée sur les 123 sites touristiques identifiés, même si des défis ne manquent pas. Emmanuel Nimubona, directeur de l'aménagement et gestion des sites au sein de cet office, donne des exemples des sites en train d'être réaménagés. Il propose qu'il y ait un partenariat public-privé ainsi qu'un guichet unique pour les revenus du secteur touristique. On l'écoute, il s'entretient avec Linibel Nibikila. Nous sommes en train de mener une action effective, et surtout au niveau de l'aménagement proprement dit. Nous avons déjà collaboré avec la commune de Rumonge, les autres maires de Mugara, et en collaboration avec l'Office national du tourisme et la commune de Rumonge, nous avons aménagé ce site pour un montant d'à peu près 300 millions. Je vous le dis que c'est un site le plus visité dans son pays. En collaboration avec la mairie de Bujumbura, nous avons aménagé la place de l'Indépendance, nous avons aménagé la place des Martyrs, communément appelée Chendadaye, et nous avons aménagé le port de Bujumbura. Et en collaboration aussi avec la commune Murambya, et nous avons aménagé l'enclos royal du Burundi. Aussi, nous avons aménagé le site de Kiganda, communément appelé traité de Kiganda. Nous sommes en train d'aménager au niveau du parc national de la Ruvubu, un parc très spécialisé au niveau des bifs. Nous avons déjà aménagé camping loge. Les activités d'aménagement de ce camping loge avaient été suspendues depuis un moment. Oui, en 2014, les activités avaient été suspendues parce qu'il y avait eu vol de tuyaux qui amenaient l'eau au niveau du camping loge en provenance de la commune de Buhinyuza. Pour le moment, l'eau est en abondance au niveau du site. Très bientôt, nous allons y mettre aussi l'énergie solaire via les plaques. Donc, d'ici fin d'année, nous allons faire un partenariat avec les privés pour l'exploitation de ce camping. Il y a aussi les autres maires de Muyang et les natifs de la commune de Bururi l'ont déjà aménagé. Vous parlez des sites touristiques et historiques qui ont été aménagés, mais il y a d'autres qu'on dirait délaissés. Je ne dirais pas que c'est délaissé, mais c'est peut-être des sites qui antérieurement n'ont pas été mis en avant. Mais je vous dis que pour aussi ce qui concerne le site de l'encontre Pierre Stanley et Livingstone, et nous allons procéder à mettre la clôture et aussi la barrière pour cette année. S'agissant du site Musée Vivant et les directeurs du ministère de la Culture, c'est déjà convenu avec les autorités du ministère pour qu'ils puissent aussi faire un effort supplémentaire parce que c'est un site qui est proche de Bujumbura qui doit être aménagé suivant les normes acceptables. Quand on parle de sites touristiques, quel est son apport financier au niveau des caisses de l'État? Prenons un touriste qui vient de l'extérieur. Quand il fait le booking, il fait la réservation au niveau des hôtels, quand il achète son visa, c'est de l'argent. Cet argent-là tombe dans les caisses de l'État. Pour vous dire que c'est tout un circuit touristique qui montre que c'est un service aussi qui produit un impact économique significatif. Dans les approches que nous sommes en train de mener avec les services de l'État, nous visons ce que nous appelons le partenariat public et privé. Donc, si un partenariat public et privé, nous allons procéder à ce que nous appelons le guichet unique. Emmanuel Nimubona, c'est le directeur de l'aménagement et gestion des sites au sein de l'Office burundais du tourisme. Et comme je vous l'avais dit, la rédaction a également eu son mot à dire sur l'état des lieux dans le tourisme au Burundi. Et c'est un commentaire de la rédaction lu par Mireille Kanyang. Le Burundi, comme d'autres pays, dispose de nombreux sites touristiques. Aujourd'hui, le tourisme constitue un secteur plus important et plus dynamique de l'économie mondiale. Selon le rapport de l'Office burundais du tourisme en 2017, ce secteur a encaissé 16 millions de dollars américains. Comparé à d'autres pays de la communauté est-africaine, le Burundi vient en dernière position, loin derrière la Tanzanie en tête avec plus de 2 milliards de dollars américains chaque année. En dépit de la dernière place qu'occupe le Burundi en matière de tourisme, il regorge des sites touristiques et historiques attrayants, plus d'une centaine selon l'Office national du tourisme. On citerait entre autres les lacs, particulièrement le lac Tanganyika, les réserves forestières avec leur écosystème, les eaux thermales, les musées, pour ne citer que cela. Actuellement, force est de constater que l'aménagement de certains sites laisse à désirer. Le musée vivant de Bujumbura et la pierre Livingstone Stanley sont les cas les plus illustratifs. En outre, les réserves forestières normalement protégées sont menacées par des feux de brousse et le braconnage. On parlerait également de l'insuffisance d'infrastructures constituant des monuments attractifs pour les touristes. Certes, l'instabilité politico-sécuritaire qu'a connue le Burundi a négativement affecté le secteur touristique. Cependant, on ne passerait pas sous silence des initiatives visant la promotion de ce secteur. L'aménagement du site des eaux thermales de Mugara, aujourd'hui le plus visité du pays, servirait de modèle, bien que là aussi, beaucoup reste à faire. Le tourisme constitue une aubaine pour les pays qui l'exploitent le plus. Avec ces initiatives si haut citées, l'on ne ferait qu'appeler le gouvernement à s'impliquer davantage en renforçant le partenariat public-privé pour le développement de ce secteur clé, Merci Mireille Kanyang et c'est sur cet éditorial que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que cette édition spéciale était consacrée à l'état, à la situation du tourisme au Burundi. Merci à toutes les équipes de la rédaction et de la technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Au micro, Jean Bosco Nduwimana. Une très bonne journée.